Je viens de recevoir un message de l'équipe en train d'interroger le tueur à gages. Il nous a lâché un peu malgré lui que c'était un homme qui l'avait engagé. J'espère que ça vous aidera.